Bonjour auditeurs et bonjour internautes, bienvenue dans votre émission. Vous êtes partis comme chaque samedi matin, chaque dimanche matin. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver, les amis, en ce samedi. Donc, à Saint-Étienne-lès-Remiremont, eh bien, vous nous écoutez sur le 107.0. Entre 10h et midi le samedi et le dimanche à partir de 7h. Et également, eh bien, sur Résonance FM à la Bresse, vous nous écoutez le samedi entre 11h et midi et le dimanche dès 5h. Alors, les fréquences 107.0 à Saint-Étienne-lès-Remiremont et 88.1 à la Bresse. Bonnes vacances, hein, si vous arrivez eh bien, dans les Vosges, sur le site des Vosges. Et si vous partez des Vosges pour aller ailleurs, eh bien, bonnes vacances également. Hein. Bonne route. Alors, si vous n'étiez pas à l'écoute la semaine dernière de votre émission Musette Partie, eh bien... Vous avez annoncé donc aujourd'hui la nouveauté du jour. Et bien aujourd'hui, on va découvrir un nouvel album de Michael Richard. Le frère de Jérôme Richard, donc le célèbre présentateur de l'émission 1, 2, 3 Musette et 1, 2, 3 Danser également. Et bien cet album qui s'appelle On fait la fête. Et bien on va faire la fête. Pendant quelques heures, eh bien, sur Radio Guimauzo et Résonance FM. Et tout de suite, eh bien, sans plus attendre, eh bien, on part en Espagne, donc avec Michael Richard. Et voici donc ce passe-doble, eh bien, Pablito de Palma. Alors, c'est un passe-doble, eh bien, signé Pierre Louvain, ainsi que Michael et Jérôme Richard. Voilà, très bel album en 22 titres. Très varié. Vous allez pouvoir le voir à travers bien cette émission. Donc consacré à la nouveauté donc de Michel Richard, on fait la fête. Allez, Pablito de Palma. Merci Karine, c'était Karine Vigny dans Musette Partie, hein, avec ce dernier passe double. Viva Cracovia, d'ailleurs, c'est le titre fort de cet album de Karine Vigny. Un album en 18 titres. Voilà, Viva Cracovia, eh bien, c'est de Ludovic Beyer, de Jean-Marc Torchi et Jérôme Richard. Place à la valse avec la valse d'Orgères. Alors c'est signé Mickaël, Jérôme Richard également, Franck Nogan et Pierre Louvain. Donc aujourd'hui, eh bien, nous découvrons cet album de Mickaël Richard, On fait la fête. 22 titres. Allez, c'est parti avec la valse d'Orgères. D'Orgères faisait danser dans tous les bals d'hier. La valse d'Orgères qui faisait valser jurons à chaque hiver. J'apprenais la vie d'artiste en vous gardant sur la piste. La valse d'Orgères laisse dans mon cœur la nostalgie du bonheur. Il y a bien si longtemps de ça, des amoureux qui rêvaient déjà de faire danser la France entière afin d'oublier toutes ces chimères. La, la, la. La valse d'Orgères qui faisait danser dans tous les bals d'hier. La valse d'Orgères qui faisait valser jurons à chaque impair. J'apprenais la vie d'artiste en bourgardant sur la piste. La valse d'Orgères laisse dans mon cœur la nostalgie du bonheur. Les années sont passées depuis, les costumes et les paillettes aussi. Reste le souvenir de et ce sacré bordel, nom de Dieu, la, la, la. J'apprenais la vie d'artiste en vous gardant sur la piste. La valse d'Orgères sera dans mon cœur la nostalgie du bonheur. temps n'est pas si long. Quand on danse musique et chanson, au son de l'accordéon qui frémit avec passion. Trois temps pour un au revoir, eh bien c'était notre ami là, Claude. Claude Caron. Et c'est une valse, c'est bien signé Vincent Carenzi et Claude Caron, voilà. Trois temps pour un au revoir, eh bien non, c'est pas l'heure hein, de se dire au revoir. Et donc son album de Claude Caron, eh bien ça tourne au Val-Musette en 14 titres. Voilà qui nous vient du Nord. Allez, après la valse, eh bien on poursuit avec le tango, direction l'Argentine. Et viens m'enlacer ce soir, eh bien... Voilà ce qu'il faut dire à votre cavalière, messieurs. Viens m'enlacer ce soir. Pour danser ce magnifique tango, bien de Michel Richard, de Jérôme Richard et Pierre Louvain. Voilà, extrait de cet album On fait la fête, que l'on découvre en ce samedi, une nouveauté hein, dans Musette Party. Une nouveauté remise donc en main propre par Michel Richard. Donc merci à Michel. C'est parti pour le tango. Allez, viens m'enlacer ce soir. En cette matinée. Donc sur le 107.0 à Saint-Étienne-lès-Miremont et 88.1 à la Bresse, eh bien voilà, ce sont les fréquences sur lesquelles vous nous écoutez en ce samedi ou alors en ce dimanche. Hein. De temps à s'être aimé, cette belle histoire, elle commença sans le vouloir. J'avais rêvé de m'évader, je te vis, l'amour fou pointe à son nez. Quelques années se sont passées, quelques rides au coin des yeux sont arrivées. Rien n'a changé, on s'est donné, abandonné sur ce tango d'été. Viens m'enlacer ce soir comme si c'était la première fois. Donne-moi le temps d'apprendre à t'aimer une dernière fois. Viens m'enlacer ce soir comme si c'était la première fois. Je me laisse aller. Et voilà pour les petits tangos. Eh bien, merci à Zinzin. Là, c'était Zinzin dans Musette Partie avec ce dernier tango. Eh bien, qui se nomme Anna et se prénomme Maria. Voilà, Anna Maria. Voilà, c'est le titre de ce tango que l'on retrouve d'ailleurs dans cette compilation, La France du bal, volume 4. Avec plein d'accordonistes comme Zinzin, donc Sébastien Perrin, Chantal Soulu, Alexandre Monnier. Entre autres, voilà, à découvrir. Hein. Donc c'est un tango d'ailleurs signé, eh bien, Zinzin, donc Bruno Desmet. Zinzin, c'est son sous-briquet. Hein. Autrement, c'est Bruno Desmet, hein, son prénom et son nom de famille. C'est de Jackie Delance également, ce tango pour la musique. Et les paroles sont de Marc Provence et Jacques Ferchit. Eh bien, après l'Argentine, eh bien, on va aller du côté de Cuba, danser le cha-cha-cha. Vas-y mon gros minet, eh bien voilà, c'est un cha-cha que l'on retrouve dans cette nouveauté du jour, on fait la fête. Donc un album de Michael Richard. Hein. Et voici donc Vas-y mon gros minet, c'est un cha-cha signé Christelle Jeanblanc, Michael et Jérôme Richard et Pierre Louvain. Allez, place au tcha-tcha, vas-y mon gros minet. Un tcha-tcha humoristique, hein. La la la. affichant du partage, la chanson du bonheur, des colliers de coquillages leur font battre le cœur. Coco, cocotier, c'est le tcha-tcha des tropiques. Ambiance cocotier, écoutez bien la musique. Coco, cocotier, c'est une danse magique. Tcha-tcha, et là c'était Mickaël Pigea dans Musette Partie avec ce dernier tcha-tcha que vous avez pu apprécier. Enfin, j'espère. Donc interprété à l'accordéon et au chant donc par Mickaël Pigea, extrait de son album, bel album, qui s'appelle, c'est la valse du Berry. En tout, 17 titres. Hein. Et là, c'était Coco Cocotier. Dédié au coco et au cocotier. Alors, c'est de Mickaël Pigea et de Jacques-Hubert Frougier, donc ce dernier tcha-tcha. Et bien, après le tcha-tcha, direction l'Amérique avec le Madison. Et voici Madison King, signé Pierre Louvain, Jérôme Richard et Mickaël Richard. Voilà, interprété par Mickaël Richard. Avec cet album, on fait la fête, une nouveauté en ce samedi dans Musette Party. Hein. Alors c'est parti pour le Madison King. Madison King sur la piste, ça sonne. Madison King, j'aime la joie que ça donne. Madison King, la rythmique devient folle. Madison King, ça roule et ça cartonne. En voiture, Simone, c'est bon. Madison King, Madison King, sur la piste ça sonne. Madison King, j'aime la joie que ça donne. Madison King, la rythmique devient folle. Madison King sur la piste, ça sonne. Madison King, j'aime la joie que ça donne. Madison King, la rythmique de la folle. Madison King, sa roue et sa cartonne. En voiture, Simon, serrons le Madison King. Madison King sur la piste, ça sonne. Merci donc pour ce Madison avec donc le eh bien le DJ Robbie et Chris Anderson. Voilà, c'était Last Night. Très joli Madison. Enfin, c'est le vrai. L'original Madison Last Night. Voilà. Après le Madison, eh bien, on va aller danser la Java. Donc voici une série de Java interprétée par le duo des Vosges. Là. Le duo des Vosges est bien composé de Christelle Jean-Blanc et Cyril Renaud. Alors là, voilà cet extrait de notre album, eh bien, Duo des Vosges. Sorti enfin d'année dernière. 20 titres, hein. Et voici donc deux Java. Donc la première Java, eh bien, voici la Java des Neiges, qui était d'ailleurs enregistrée par Laura Vimard dans son album À la poursuite des boutons. Mais là, eh bien, c'est avec le Duo des Vosges. Donc la Java des Neiges, eh bien, c'est signé Jean Lallemand, Christelle Jeanblanc, Laura Vimard et Cyril Renaud. Et si vous ne savez pas quoi faire, eh bien, le dimanche 13 août, eh bien, on vous donne rendez-vous du côté de la Côte d'Or, entre Dijon et Auxerre, pour un thé dansant, donc en duo. Au Bleu d'Avo, chez José. Donc le dimanche 13 août. Et ça sera de 15h à 20h. Donc ce thé dansant. Au Bleu d'Avo, chez José, donc. Alors pour plus d'informations, eh bien voici un numéro de téléphone. Eh bien auquel vous pouvez contacter, eh bien, le Bleu d'Avo. Alors c'est le 06 41. 19 55 61, je répète, 06 41 19 55 61, donc le dimanche 13 août, au Bleu d'Avo avec le Duo des Vosges. Et le week-end prochain, eh bien, vu que c'est férié le 15 août, eh bien, je vous donnerai un autre rendez-vous après la série de Java, donc pour le 15 août. En attendant, eh bien, voici la Java des Neiges. Jazz Java, voilà, c'est une Java donc interprétée là par le duo des Vosges, donc Christelle Jeanblanc et Cyril Renaud. Et donc cette Java, c'est signée Christelle Jeanblanc, Martial Villemain, Jean Lallemand et Cyril Renaud. Voilà. Donc la joueuse de Java, c'est pour Christelle Jeanblanc, puisqu'elle adore jouer la Java. Donc un autre rendez-vous à ne pas manquer, ça sera avec également ce duo des Vosges. On vous donne rendez-vous le mardi 15 août, vu que c'est férié, eh bien, rendez-vous dans l'heure, le mardi 15 août, du côté de Danville. À côté d'Évreux. Donc, à la salle des fêtes de Danville, eh bien, on vous y donne rendez-vous le 15 août à partir de 14h30 pour un thé dansant organisé par Danciton Festivité. Donc, c'est avec Françoise et Jean-Marie Lacroix, donc, qui sont d'ailleurs venus cette année à la Bresse, au festival Accord des Montagnes. Hein. Donc c'est organisé par ce couple d'accordéonistes également, le 15 août. Eh bien, rendez-vous à Danville. Alors, pour plus d'informations, si vous voulez réserver, eh bien, vous pouvez au 06 77 54 63 30. Je répète, 06 77 54 63 30. Voilà, donc ceci étant dit, eh bien on poursuit avec la cumbia et la nouveauté du jour. Donc Mickaël Richard, on fait la fête. Une nouveauté dans Musette Party. Et voici donc la jolie Latina. Eh bien c'est une cumbia signée Mickaël et Jérôme Richard, les deux frères. Et c'est signé également Pierre Louvain. Allez, la jolie Latina, eh bien c'est tout de suite dans Musette Party. Restez bien branchés, puisque tout à l'heure, eh bien, on fera un petit jeu pour tenter de vous faire gagner donc cet album de Mickaël Richard que nous vous présentons en ce samedi. Donc sur Radio Guimauzo 107.0 et sur Résonance FM 88.1. Voilà, merci d'être à l'écoute, merci de nous suivre. En attendant, c'est la cumbia. platina. Elle est le soleil, belle merveille, des amoureux. Merci à Michel Pruvot. Voilà, Michel Pruvot, animateur également d'une émission d'accordéon, hein, comme Jérôme Richard et Pierre-Yves Lombard. Alors là, c'était Michel Pruvot avec cette cumbia, eh bien, qui s'appelle Nous, on danse la cumbia. Voilà, c'est de Jackie Delance, Michel Pruvot et Marc Provence. Extrait de son album, eh bien, qui s'appelle Rouler Jeunesse. 20 titres, hein, dans cet album de Michel Pruvot. Donc on le retrouve dans cette émission sur un air d'accordéon, sur Rouéo, Nord-Pas-de-Calais. Les numéros de chaîne sur lesquels vous pouvez retrouver, eh bien, tous les jours sur un air d'accordéon, du le temps qu'on y est, hein. Donc on peut le retrouver donc, sur un air d'accordéon de 13h30 à 15h sur EO, donc sur la chaîne TNT, donc sur EO Nord-Pas-de-Calais, canal 30, sur EO Somme N Oise sur le canal 35, hein. Également sur Box Internet via un canal 30, sur Box Orange, canal 356, sur BB Box, c'est canal 324, sur Freebox, c'est sur le canal 914, sur SFR Box, c'est sur canal 487, et sur Box Numéricable, c'est sur le canal 487. Autrement, il y a également sur IDF, du lundi au vendredi à 11h30, on peut retrouver donc sur un air d'accordéon sur le canal 32 de la TNT gratuite et sur le canal 30 sur les box FAI. Voilà, donc, ceci étant dit, voici le petit jeu pour tenter de vous faire gagner donc cet album que je vous présente ce samedi. Donc, Michael Richard, on fait la fête. Voici la question. Tout à l'heure, je vous ai passé un tchatcha, donc qui s'appelle Vas-y, mon Gros Minet, est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est également Vas-y mon gros Titi? Ou alors Vas-y mon gros Matou? Alors si vous avez la bonne réponse, vous pouvez nous appeler au 03 29 62 40 40 pour donner la bonne réponse. Et si vous avez la bonne réponse, on fera le tirage à la fin de l'émission, comme d'habitude. Alors, est-ce que c'est Vas-y, mon gros Titi, mon gros Matou ou mon gros Minet? Alors, en attendant, on va aller danser la marche. Voici donc cette première marche interprétée par Michael Richard qui s'appelle Auprès de ma blonde. Une marche revisitée avec de nouvelles paroles, donc signée Michael et Jérôme Richard et Pierre Louvain. Voilà, donc c'est parti, Auprès de ma blonde, c'est tout de suite pour les marches. Chaque fin de semaine, oui, nous allons danser sur les bords de la Seine où l'on s'est rencontrés, où l'on se dit je t'aime sous un ciel étoilé. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon danser. Avec elle je danse la valse et le tango, avec elle je danse la rumba, le passo. J'admire son élégance, son rythme du tempo. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde. je l'emmène en voyage. Et sous les cocotiers, on danse sur la plage. Sur le sable doré, je la demande en mariage. Auprès de ma blonde, fais bon, fais bon, fais bon. Auprès de ma blonde, fais bon danser. La la la la la la la la la la la la la. Hey, la la la la. Hey, la la la la. Hey, la la la la la la la la la la la la. Hey, la la la la la la la la. La belle Tarine, tu vas sur scène. Pour les petites marches, et là, c'était ma belle tsarine, la marche russe, interprétée donc par Michael Richard, et c'est signé Michael et Jérôme Richard et Pierre Louvain. Voilà. après la marche russe, eh bien, on va aller valser avec donc toujours Mickaël Richard. Hein, et cette nouveauté, on fait la fête. Eh bien, voici la valse mexicaine et voici Pepita Mexicana. Donc, c'est de Mickaël Richard et Jérôme Richard et Pierre Louvain. Voilà. Donc, c'est parti pour les valses mexicaines. Et je vous rappelle le petit jeu, donc le petit jeu, eh bien oui, ça joue donc en ce samedi, donc il faut nous donner tout simplement quel est le bon titre parmi ces trois. Donc dans cet album, eh bien on retrouve un tcha-tcha qui s'appelle « Vas-y mon gros Titi, mon gros Minet ou mon gros Matou ». Voilà, si vous avez bien écouté l'émission, eh bien vous devriez savoir quel est le bon titre. Et pour cela, bien aussi un numéro 03 29 62 40 40. Allez, Pepita Mexicana. Eh bien, c'est Mickaël Richard dans Musette Party. Viens danser, tourner dans mes bras, m'embrasser. Merci à Delphine. Là, c'était Delphine Hubin avec cette dernière valse bien mexicaine. Là, c'était la valse des mariachi, hein, extrait donc d'une compilation que l'on retrouve. Où l'on retrouve eh bien cette valse, voilà. La valse des mariachi. Là, c'est extrait de La France du bal, volume 8. Donc, la valse des mariachi. Eh bien, c'est signé Delphine Hubin, donc qui nous vient de la Somme. C'est de Jackie Delance. Et les paroles sont de Jacques Ferchit et Marc Provence. Voilà. Eh bien, on part en Argentine avec le tango et Michael Richard. Cet album que je vous présente, eh bien, on fait la fête, une nouveauté dans Mes êtes parti. Et voici un tango alors qui s'appelle Entre Dos Luces. Entre Dos Luces, enfin, je sais pas comment on dit le titre là, mais bon, c'est Entre Dos Luces. Ça doit être du patois parce qu'en fait, ça veut dire Entre Chien et Loup. Alors c'est un tango signé Christian Coupa, Jean-Pierre Rowe et Michael Richard. Voilà. Allez, entre Dos Luces, eh bien, c'est parti pour le tango. Et Michael Richard, donc je vous rappelle la question pour tenter. Eh bien, de vous faire gagner cet album que je vous présente en ce samedi. Alors, dans les tcha-tcha, eh bien, je vous ai passé un tcha-tcha que l'on retrouve dans cet album. Alors, est-ce que c'est « Vas-y, mon gros Titi », »,« Vas-y, mon gros Minet », ou alors « Vas-y, mon gros Matou ». Alors, pour cela, eh bien, un numéro de téléphone, c'est le 03 29 62 40 40. Je répète, 03 29 62 40 40. Voilà. Le tirage à la fin de l'émission, le tirage au sort. Donc c'est parti. Allez, place au tango. premier tango, voilà. Donc c'était Elsa Gourdi avec ce tango que l'on retrouve dans son album, eh bien Esprit Musette. Et c'est un tango signé Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, eh bien c'était un grand monsieur du bandoneon. Donc, un extrait de cet album, eh bien, avec en tout 19 titres. Voilà. Merci à Elsa Gourdi. Et après le tango, eh bien, voici de la variété, un petit peu de variété avec Michael Richard, le frère à Jérôme Richard, donc. Et cet album que je vous fais découvrir, en tout cas, j'espère qu'il vous plaît. On fait la fête, eh bien voici ce titre, eh bien ça danse, on fait la fête, c'est de la variété, c'est dans Musette Party, sur le 107.0 à Saint-Étienne-lès-Miremont, et sur le 88.1 à la Bresse. Alors une fréquence pour les Stéphanois et l'autre pour les Bressots. Hein. Et donc voici ce titre de Michel Monaco, de Michael et Jérôme Richard et Pierre Louvain. Alors c'est parti pour la variété, on se déhanche, hein. Ça danse, on fait la fête. Michael Richard dans Musette Party. Tous les samedis, c'est le bal à Jojo. Tous les samedis, tout le monde se fait beau pour faire la fête. On sort le costume, celui qui est à carreaux. C'est rasé, mis du sang bon pour la minette. Regarde la brune, la belle sur talon haut. Avec ses couettes, c'est la Gisèle, elle est très chouette. Et y a la blonde, avec sa jupe croco. C'est la Margot, qui chante un agogo. Et ça tourne, et ça roule, et ça danse, on fait la fête. Et ça gâche, ça recoule, ça drague dans les babusettes. Ça tourne et ça roule et ça danse, on fait la fête. Et ça gâche, ça recoule, ça nous monte à la tête. Dans les soirées, il fait son numéro. L'accordéoniste au joli cœur, c'est le bonheur. Il en fait toujours trop. C'est le chanteur et le charmeur à la voix d'or. Et y'a le patron, on dirait un clodo. Ses roues flaquettes, elles sont pas chouettes, hein, ma Suzette. Mais le principal, c'est la chaleur des mots. Ce petit refrain, on le chante aussi haut. Et ça tourne, et ça roule, et ça danse, on fait la fête. Et ça gâche, ça recoule, ça drague dans les balusettes. Et ça tourne, et ça roule, et ça danse, on fait la fête. Et ça gâche, ça recoule, ça nous monte à la tête. Ça recoule, ça drague dans les balousettes. Et ça tourne, et ça roule, et ça danse, on fait la fête. Et ça gâche, ça recoule, ça nous monte à la tête. faire ça. Quand on nous parle de la buvette, pas de soucis, on est bien là. Pour lever le coude et le verre, c'est clair, on est pas maladroit. Pour terminer le cul par terre, encore un doigt et tu vois ça. Sangria Bastaga, c'est ma tournée, mesdemoiselles. Sangria ou Musca, pas de chichi et gazelle. Sangria Bastaga, un petit verre de bonheur. Sangria ou Musca, après l'heure c'est plus l'heure. On chante, on se casse la voix. Pour toucher le ciel, on fait glouglou. On est heureux comme des rois. On dupe des choux comme la braise. Paraît-il l'homme de la soirée. On va claquer la nuit d'ivresse. T'as le chantier à ta santé. Sangria Bastaga, c'est ma tournée, mesdemoiselles. Chichi et gazelle, Sangria Bastaga, un petit verre de bonheur. Sangria ou Musca, après la circuleur. Pour les petites, pour la variété, voilà, pour la série variété. Donc c'était Sangria Bastaga là dans Musette Partie. Hein. Donc interprété par Mickaël Richard que l'on découvre aujourd'hui avec cet album On fait la fête, une nouveauté dans Musette Partie. Et ce dernier titre, eh bien, c'est de Mickaël et Jérôme Richard, ainsi que de Sébastien Perrin et Pierre Louvain. Eh bien, on va aller danser le Charleston. Et vas-y, Pampan, donc c'est le titre. Vas-y et Pampan, donc c'est... Mickaël Richard également, hein. Et c'est également donc de Mickaël et Jérôme Richard, ce Charleston, de Pierre Louvain et de Franck Nogan. Allez, place au Charleston dans Musette Partie. C'est bon pour les guiboles, hein. Accroche-toi à ses hanches, vas-y Pampan, ne perds pas la cadence, tourne avec elle et suis bien si bas, si tu Vas-y, pampan, ici t'es demain. Vas-y, pampan, là, jusqu'en bas des reins. Reste patient et sois délicat. Si tout se passe bien ce soir, il sera dans tes bras. Thank you. Je me voyais déjà, bah oui, là c'était donc Guillaume Fricq à l'accordéon. Avec son album, eh bien, Entre les balles, eh bien, en tout, il y a 16 séries hein, pour vous faire danser dans cet album de Guillaume Fricq. On y retrouve eh bien, ce Charleston, immortalisé eh bien, par Charles Aznavour. Hein, bah oui. Le grand Charles Aznavour. Et repris donc par Guillaume Fricq à l'accordéon. Voilà. Et pour l'heure, il est midi 5. Sur les ondes de Radio Grimozo et Résonance FM. Alors, bon appétit à toutes et à tous, hein, si vous êtes à table. J'espère que vous passez un beau moment en notre compagnie. Et on va poursuivre avec la valse. Et voici la valse du bon vieux temps. Eh oui, le bon vieux temps, un peu de nostalgie. Donc interprété par Michael Richard, que l'on découvre avec cet album On fait la fête. Donc c'est signé Michael et Jérôme Richard et Pierre Louvain. Donc cette valse du bon vieux temps. Je vous rappelle la question eh bien, pour tenter de vous faire gagner cet album de Michael Richard. Eh bien, voici la question à laquelle il faut répondre comme il faut. Alors tout à l'heure dans les tchatchas, eh bien, je vous ai passé un morceau. Il faut nous redonner eh bien, la bonne pièce pour le Pulse. Alors, est-ce que c'est « Vas-y, mon gros Titi » Est-ce que c'est « Vas-y, mon gros Matou » Ou alors « Vas-y, mon gros Minet » Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, vous pouvez nous joindre au 03 29 62 40 40. Je répète, 03 29 62 40 40. Voilà, c'est le numéro de Radio Guimozo. Allez, pour l'instant, eh bien, c'est la valse du bon vieux temps. Vas-y, vas-y, Jojo, joue la valse du bon vieux temps. C'est la vie qui sourit. Aussi la nostalgie. Et toi, vas-y, Momo, fais gâcher, tourner les têtes. Le tourner en trois temps, c'est la valse du bon vieux temps. Et toi, vas-y, Momo, fais gâcher, tourner les têtes. Le tourner en trois temps, c'est la valse du bon vieux temps. Je me souviens très bien, nous dansions la valse lusée. C'était le temps de la fête, vous chantez. C'est le temps des jours heureux. plage, joue la valse du bon vieux temps. C'est la vie qui sourit, mais aussi la nostalgie. Et toi, vas-y, Momo, fais gâcher, tourner. Voilà pour les petites valses. Alors là, c'était l'ensorceleuse, hein, le titre, hein. Non pas l'accordéoniste. Donc l'ensorceleuse, eh bien, c'est interprété par Isabelle Lépinet, là. Et signé, eh bien, Isabelle Lépinet et Alexandra Paris. Isabelle Lépinet qui nous vient de la Sarthe. Avec cet album Lépinette. En tout 18 titres. Allez, après les petites valses, eh bien, on va se reposer un petit peu. Hein. Vous avez bien mérité, eh bien, cette série de boléros. Mes amours et mes peines, eh bien, voici le titre que voici avec Michel Richard. Donc cet album que je vous fais découvrir ce samedi. On fait la fête, eh bien, on fait la fête dans Musette Party. Et c'est l'album qu'il vous faut si vous voulez faire la fête chez vous, voilà. Donc c'est un album disponible chez Boulevard Studio. Voilà, c'est la maison de disques de production de cet album. Donc il y a 22 titres, hein. Et donc ce boléro, Mes amours et mes peines, eh bien, c'est de Pierre Louvain. De Jérôme et Michel Richard. Et le deuxième boléro, eh bien, ça sera une haute savoyarde. Eh bien, ça sera Julie Blocher que vous pourrez apprécier avec seulement quelques notes. Voilà le titre, seulement quelques notes. Signé Claude Barbotin et Julie Blocher. Donc Julie Blocher qui nous vient de Torrance-Glières, en Haute-Savoie. Et donc c'est parti pour les boléros. Allez, en piste. déjà la fin de l'été. Et puis ce dernier baiser, tu devais rentrer là-bas, très loin de chez moi. Je refusais de penser, mais préférais savourer le parfum d'une romance. partir. Dansons, chantons tous avec Musette. Parti, c'est réussi. Musette Parti a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Cœur qui est plein d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis, Musette Parti. Chantons tous avec Musette Parti. Auditrices, auditeurs et internautes de Radio Guimauzo et Résonance FM, alors on espère que vous avez passé un bon moment sur nos ondes, eh bien sur le 107.0 à Saint-Étienne-lès-Miremont et 88.1 à La Bresse. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci également à Radio Guimauzo et Résonance FM, eh bien... de promouvoir l'accordéon, voilà. Eh bien, on vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Alors, sachez que si vous voulez danser, eh bien, demain, dimanche, eh bien, on vous donne rendez-vous. Donc, Christelle, eh bien, vous donne rendez-vous déjà pour commencer du côté de Lavelines devant Bruyères, donc demain pour un thé dansant de 14h30 à 19h au Dancing Le Pierraco. Alors si vous voulez plus d'informations sur Le Pierraco, eh bien voici un numéro. Le numéro, eh bien c'est le 06 28 67 63 87, je répète 06 28 67 63 87. Donc vous pourrez y danser donc demain avec Christelle Jeanblanc. Et quant à votre serviteur, eh bien, je vous donne rendez-vous dans le Doubs, à côté de Baume-les-Dames, entre Baume-les-Dames et Villers-Excel. Et donc demain, eh bien, vous pourrez danser de 14h30 à 19h avec une collation en milieu d'après-midi. Le tout compris dans le prix de l'entrée. Hein, alors, si vous voulez, eh bien, venir demain à la guinguette du Tuyer, à Mésendant donc. Eh bien, voici un numéro de téléphone, c'est le 03 81 84 72 55. Je répète, 03 81 84 72 55. Ou alors, il y a un autre numéro auquel vous pouvez joindre la guinguette du Thuyer à Mézandan. C'est le 06 85 06 68 26. Je répète, 06 85 06 68 26. Donc demain, à la guinguette du Thuyer, animé par votre serviteur. Voilà. Un autre rendez-vous à ne pas manquer, donc ça sera ce jeudi 10. Eh bien, j'aurai plaisir à vous faire danser du côté des variétés au Thio. Si la météo, le permet. Donc, ça sera animé par votre serviteur ce jeudi 10 du côté de chez Sylvie et Thierry. Donc à partir de 20h30 et ce jusqu'à 1h du matin, je vous ferai danser aux variétés. Et l'entrée est libre. Alors pour plus d'informations, contactez les variétés au 03 29 25 01 01. Je répète, 03 29 25 01 01. Concernant le petit jeu, puisque on a fait un petit jeu en ce samedi pour tenter de vous faire gagner cet album de Michael Richard, donc qu'il nous a remis en main propre, on fait la fête, 22 titres. On n'a pas pu passer tous les morceaux, puisqu'autrement il nous aurait fallu un peu plus de 2 heures d'émission, même 3, 4. On a passé la majeure partie des titres donc de cet album. On fait la fête. Alors, la réponse à la question était « Vas-y, mon gros », et non pas Titi ni Matou, mais Minet. Matou, c'est presque un Minet. Voilà. Donc, il y a eu pas mal de bonnes réponses, il n'y a eu que des bonnes réponses pratiquement. Donc bravo à toutes et à tous pour la bonne réponse que vous nous avez donnée. Alors du coup, on ne peut pas faire gagner tout le monde. Parce que c'est un CD offert donc par Michael Richard. Le ou la gagnante, vous allez le savoir dans quelques secondes. Alors, qui va passer un bon week-end ? Alors, c'est Madame Léonard, Daniel, de Saint-Nabor, qui nous écoute sur le 107.0. Un grand merci à elle. Elle remporte donc cet album. Bravo à Daniel. Donc elle recevra prochainement donc cet album au courrier. Donc merci. Alors restez bien branchés sur les ondes de Radio Guémozo 107.0 et Résonance FM 88.1. Les programmes continuent. On vous laisse pas tomber. N'oubliez pas donc demain dimanche, c'est la rediffusion de Musette Party sur le 88.1 La Bresse sur Résonance FM à partir de 5h et dès 7h sur Radio Guémozo sur le 107.0. Autrement, vous pouvez aller sur le site de Radio Guémozo. Il y a un site qui a été très bien réalisé. où vous pouvez réécouter toutes les émissions proposées et programmées par Radio Guémozo. Voilà. Eh bien, on va se quitter avec la série de Tarentelle. Eh bien, on va se quitter avec cette tarentelle, donc Serena l'Italienne. Eh bien, c'est une tarentelle signée Pierre Louvain, Jérôme Richard et Mickaël Richard. Donc, on va se quitter avec cette tarentelle. Et la deuxième, eh bien, la deuxième tarentelle, eh bien, ça sera les Girazzoli avec leur album I Grandi Successi dei Girazzoli volume 3. Voilà. Et ce sera la Gigiota, voilà. Le titre de cette tarentelle avec les Girazzoli. Eh bien, en attendant de se retrouver samedi prochain pour un nouveau numéro de Musette Partie, prenez soin de vous, gros bisous à vous. Encore une fois, un grand merci pour votre fidélité, un immense merci. Bon week-end, bonne danse pour les amateurs de danse et bonne semaine. Voilà. Gros bisous, salut! prima vista.